les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du concours Acoris Mutuel engagé pour mon territoire, qui est porté par France Active Lorraine et qui a pour but de valoriser les entrepreneurs qui ont un impact positif sur le territoire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente mes deux invités. Karine Mansuy, qui est responsable itinérante événementielle chez Acoris Mutuel, et Claire Claudel, directrice chez France Active Lorraine. Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. Bonjour Morgane. Alors avant de parler du concours, Karine, est-ce que tu peux nous présenter Acoris Mutuel? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos missions et notamment auprès des entrepreneurs? Très bien, merci Morgane. Alors Acoris Mutuel, c'est une mutuelle qui est régionale du Grand Est. Elle apporte des solutions en matière de couverture des frais de santé, de prévoyance, d'assurance. Elle fonctionne sur un modèle démocratique avec un conseil d'administration qui est élu. Dans une mutuelle, il n'y a pas d'actionnaire, donc chacun peut contribuer au fonctionnement de sa mutuelle. Elle couvre actuellement à peu près 120 000 personnes et compte également 15 000 travailleurs indépendants et 2 500 structures collectives qui sont des artisans, des commerçants, des TPE, PME et bien sûr leurs salariés. Nos atouts, c'est la proximité. On a 20 agences qui sont réparties sur le Grand Est, mais c'est aussi la qualité de nos services et aussi la qualité de nos gammes de produits. Si Acoris, née de la fusion de 5 mutuelles régionales en 2009, est encore une jeune fille, sa grand-mère fêtera quant à elle cette année ses 124 ans d'existence. Donc je crois qu'on peut parler d'expérience pour notre mutuelle. Et cela tombe bien car nos principales valeurs sont la solidarité, l'expérience, l'humanisme. Et notre engagement depuis plus de 15 ans, par exemple, aux côtés du Rire Médecin, illustre aussi nos valeurs. Par son histoire également de mutuelle, qui a géré un régime de sécurité sociale pour artisans commerçants, aujourd'hui confié à la sécurité sociale, elle poursuit un travail important d'information des dirigeants sur la protection sociale. Et à ce titre, elle travaille en partenariat avec les acteurs de l'écosystème, tels que les chambres consulaires, mais également d'autres partenaires comme Alexis, BGE, le Réseau Initiative, Réseau Entreprendre Lorraine et bien entendu avec France Active. L'objectif étant d'apporter aux créateurs, repreneurs ou à l'entreprise en développement un ensemble de réponses, mais aussi un soutien au fil de l'eau. D'accord, donc tu as parlé de valeurs tout à l'heure. Alors chez France Active Lorraine, on a quand même des valeurs similaires. On a la solidarité, la proximité, la responsabilité sociétale et sociale. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte a eu lieu ce concours et surtout pourquoi le partenariat entre les deux entités? Alors déjà sur le concours, effectivement, Acoris a été soutien de différents concours entrepreneuriales. Puisque c'est dans notre ADN lié à notre histoire, qui était jusqu'alors organisé par nos partenaires. Mais nous avions aussi l'envie de créer notre propre concours et tout particulièrement vers la cible des entrepreneurs pour laquelle nous déployons déjà une grosse offre d'accompagnement. Et puis la possibilité nous a été donnée cette année grâce à notre partenariat avec France Active qui nous appuie et nous soutient sur la partie notamment ingénierie du concours qui n'est pas la partie la plus simple pour le mettre en œuvre avec effectivement tout ce qu'il faut faire pour qu'un concours fonctionne. Les objectifs que nous visons dans ce concours sont bien d'encourager l'esprit entrepreneurial d'entreprise à impact positif sur le territoire et de récompenser des entrepreneurs lorrains. Donc toujours à cœur, la proximité étant une mutuelle régionale. Pour un entrepreneur, recevoir un prix est toujours une très belle récompense de son parcours, de son investissement. Et nous sommes très fiers de contribuer à cela avec un concours supplémentaire sur le territoire. Et nous sommes impatients de lire les premiers dossiers et surtout de pitcher les 15 lauréats le 17 mai prochain. D'accord, merci Karine. Claire, maintenant on va rentrer dans le pratico-pratique. Est-ce que tu peux nous dire déjà à qui s'adresse ce concours ? Alors, ce concours s'adresse à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, que ce soit des associations, des petites entreprises, des micro-entreprises également, des structures coopératives. L'idée, c'est que ce concours puisse valoriser, comme Karine le disait, toute entreprise qui aura un impact significatif sur le territoire, avec la condition que cette structure soit employeuse. C'est vraiment important, il faut qu'il y ait de l'emploi derrière, et seules les structures qui ont une activité agricole sont exclues de ce concours. En tout cas, tout le monde peut candidater avec toujours une condition, c'est avoir au minimum un salarié. Ou en tout cas, être le propre salarié de sa structure. D'accord, mais concrètement, c'est quoi avoir un impact positif sur le territoire ? Concrètement, c'est une entreprise qui va pouvoir générer du lien social sur le territoire, avoir un impact significatif, par exemple, sur le développement durable, un impact significatif avec les habitants du territoire. Si je prends l'exemple d'une coopérative de producteurs locaux, ces exploitants agricoles vont se réunir et vont commercialiser leurs produits de manière plus efficace. Et donc, cette coopérative de producteurs locaux va avoir un impact significatif sur le territoire parce que, d'une part, elle va pouvoir créer de l'emploi avec notamment la commercialisation de ses produits, la logistique, la vente. Donc, tout ça, on va créer de l'emploi pour mettre en place ce magasin de producteurs locaux. Il va avoir aussi un ancrage territorial fort avec les habitants du territoire, avec les restaurateurs locaux, les cantines, les marchés aussi. Donc là, on est vraiment sur un ancrage territorial fort. Et également la participation des citoyennes où les membres de la coopérative vont pouvoir, elles aussi, avoir une voix prépondérante dans la prise de décision. Donc c'est vraiment un impact positif au sens large du terme, où encore une fois, l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière, de valoriser tous ces entrepreneurs qui auront une belle dynamique sur le territoire. Et en lien avec les valeurs qu'on peut véhiculer avec Acoris Mutuel ou France Active, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette proximité avec les territoires. D'accord, donc ça s'adresse vraiment à un grand nombre d'entrepreneurs. En parlant du calendrier, Claire, on a jusque quand pour postuler et comment ça se passe surtout? Alors, comment ça se passe? Déjà noté dans vos agendas, chers entrepreneurs, c'est jusqu'au 15 avril, donc le lundi 15 avril, que vous pouvez candidater. Ensuite, en termes de date, le vendredi 17 mai, il y aura donc une audition par le jury qui sera composé d'Acoris Mutuel et de France Active Lorraine, où là, les candidats seront invités à venir pitcher leur projet. Ce sera assez court, mais l'idée, c'est qu'on puisse échanger avec les porteurs de projets qui candidateront. Et en termes de modalités plus pratico-pratiques, pour retrouver toutes les conditions du concours, vous pouvez aller sur notre site franceactive-grandest.org, franceactive avec le tiret du 6 grandest.org, et vous trouverez aussi tous les éléments sur notre page Facebook de France Active Lorraine, et également sur la page LinkedIn et bien sûr de la page de notre partenaire Acoris Mutuel. Merci pour toutes ces infos, Claire. Karine, est-ce que maintenant tu peux nous présenter les trois catégories, parce qu'il y aura trois lauréats qui seront récompensés avec trois prix à la clé? Effectivement, nous récompenserons trois lauréats, un par catégorie, d'où les 15 lauréats pour faire fonctionner effectivement ces trois prix. Alors, la première catégorie, c'est une catégorie sociale et ou environnementale. Ça s'adresse à des entreprises qui ont plus de 6 mois d'activité à la date d'ouverture de l'appel à projet, donc du concours. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui auraient créé avant le 15 août 2023 et qui ont bien sûr un impact social ou environnemental, comme l'expliquait Claire juste avant, sur leur création d'entreprise. Alors, ça peut être effectivement les participations citoyennes du circuit court du lien social. Là, on leur réserve donc un prix à gagner de 800 euros. Ensuite, on a une catégorie qui s'appelle la catégorie émergence. Donc, c'est encore des petites pousses, des entreprises de moins de 2 ans à la date d'ouverture de l'appel à projet. Ce sont donc des entreprises qui ont créé cette fois après le 15 février 2022 et qui réalisent un développement significatif de leur chiffre d'affaires, de leur offre ou de leurs clients. Et là, on leur remettrait un prix de 1 000 euros. Enfin, on leur remettra un prix de 1 000 euros. Et puis, il y a la catégorie, donc la troisième, qui est la catégorie développement. Ce sont des entreprises de plus de 2 ans à la date d'ouverture de l'appel à projet. Donc, c'est des entreprises créées avant le 15 février 2022 et qui génèrent à minima un emploi salarié en plus de celui du dirigeant ou de ses associés. Et là, il y aura une remise de prix donc, qui sera de 1 200 euros. Et je vous rappelle, la deadline pour candidater, c'est 15 avril 2024 à 23h59. Donc, allez vite sur les sites pour commencer à faire votre dossier. Ils ne sont pas très loin à compléter. Il y a quelques informations forcément à nous donner pour qu'on puisse sélectionner les dossiers. On s'arrêtera à 100 dossiers, c'est dans le règlement. Donc, ne tardez pas parce qu'après, ça peut être trop tard. Merci Karine, et effectivement c'est important de le rappeler que c'est pas un dossier non plus qui va vous prendre une journée à remplir, donc ce serait dommage de passer à côté d'un prix pour vous. Avant de se quitter, parce que c'est bientôt la fin de l'émission, nous chez France Active Lorraine, on a aussi d'autres outils pour les entrepreneurs à impact positif. Est-ce que Claire, tu peux nous en parler rapidement, s'il te plaît? Oui, on va en profiter effectivement pour rappeler qu'on offre aux entrepreneurs à impact, que ce soit des structures de l'économie sociale et solidaire, donc en grande majorité les associations, mais également les coopératives par exemple, et les entrepreneurs qui vont encore une fois avoir un impact positif sur le territoire. Donc on offre des garanties d'emprunt bancaire pour leur faciliter l'accès aux banques et également des prêts solidaires. Donc que vous soyez un entrepreneur avec un impact significatif sur le territoire, avec notamment la préservation de l'emploi, la préservation aussi de l'environnement, que vous adoptez par exemple un mode de gouvernance démocratique, n'hésitez pas à venir nous voir. On est vraiment là pour vous aider dans votre développement, vous accompagner aussi lorsque vous rencontrez un coup dur, donc que ce soit en termes de garantie ou de prêt solidaire, on est à vos côtés. C'est bien compris pour les entrepreneurs à impact. Vraiment, vous avez quand même un panel de dispositifs d'accompagnement ou d'outils financiers qui sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à appeler France Active Lorraine. Merci, mesdames, en tout cas, d'être venues. Merci, nous présenter le concours. Donc, on le rappelle, c'est jusqu'au 15 avril. On a un petit peu le temps, mais ça vient vite. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Et si vous avez loupé une partie de l'émission ou vous souhaitez la réécouter, rendez-vous sur fadjet.net. Merci et bonne semaine à tous.